Yippee-ki-yay, motherfucker. Non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Kick Morant is dead. Bonjour, bonsoir à tous et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Je suis encore une fois bien entouré avec mes amis cinéphiles, eux aussi, Manuel S. Salut Olivier. Et aussi Monsieur Lucien Alflans. Salut les gars. Nous nous réunissons encore une fois pour vous parler d'un film en particulier, donc un épisode focus aujourd'hui, et un focus que nous avons décidé de consacrer au film L'Île, le film de Kim Ki-duk sorti en 2000 ou en 2001 selon nos sources en France et aussi quelques années plus tard en Belgique il me semble. C'est avril 2001 pour la France, il a eu une sortie un peu plus tardive en Belgique, mais le film a eu la récompense suprême du BIF à Bruxelles, le Corbeau d'Or à cette époque-là. Donc pour nos auditeurs français ou canadiens ou francophones hors belges, le BIF, c'est le Brussels International Festival of Fantasy Film, une institution chez nous. Alors, L'Île de Kim Ki-duk donc ressort et ressorti il y a quelques semaines chez Spectrum Film en Blu-ray. Et donc, c'est la première fois, je pense, qu'il sort en Blu-ray en France. Alors, c'est aussi la première fois qu'on va parler du réalisateur Kim Ki-duk dans Transmission, un réalisateur assez singulier. Et controversé. Et controversé, à raison peut-être, on va en parler, et qui est malheureusement décédé de complications cardiaques liées au Covid-19 il y a donc quelques mois, je pense que c'était fin 2020 il me semble. Alors, Kim Ki-duk, il est né en 60 près de Bongwa en Corée du Sud. Lui vient d'une zone montagnarde très rurale. D'abord, il est ouvrier agricole. Sa vie, c'est un roman, mais donc il est d'abord ouvrier agricole. Et puis ensuite, il passe 5 ans dans la marine avant de passer 2 autres années dans un monastère. Et puis, il part en France. D'abord à Paris, où il cherche à intégrer les Beaux-Arts. Mais au bout d'un an, il descend dans le sud, au Cap d'Agde, où il gagne sa vie en dessinant des portraits. C'est en France qu'il découvre tardivement le cinéma et il déclare être marqué à l'époque par la découverte du Silence des Agneaux de Jonathan Demme et Des Amants du Pont Neuf de Léos Carax, ce qui tient la route puisque les deux films sont sortis en 91. De retour en Corée en 93, il est d'abord remarqué pour ses scénarios avant de parvenir à tourner son premier long métrage, Crocodile, en 96. En 2000, L'Île, le film dont on va parler ce soir, c'est son 4e long métrage. Et c'est aussi le premier, en fait, qui va sortir en Europe. Après ça, la plupart de ses films continueront à sortir en Europe et même à être primés dans des grands festivals internationaux. Printemps, été, automne, hiver et printemps en 2003. Les Locataires en 2006 seront des succès en France notamment. Et entre ces deux films, le très beau Samaria sera lui primé d'un ours d'argent du meilleur réalisateur à Berlin en 2004. Mais Kim Ki-duk, il est plutôt mal vu en fait dans son pays d'origine. Et d'ailleurs, il va avoir de plus en plus de mal à y financer ses films. D'abord, il est rejeté parce qu'il a des origines modestes. Comme je l'ai dit, il n'a pas fait d'études de cinéma. C'est un réalisateur autodidacte. Là où le cinéma en Corée du Sud, c'est une affaire de gens lettrés, n'est-ce pas? C'est uniquement en Corée, en France, il n'y a pas du tout cet effet de classe, c'est sûr. Peut-être, on pourra en reparler. Donc, il est un peu montré du doigt parce que c'est un peu le bouseux de la bande. Et il est aussi accusé de faire des films misogynes. Ce dont nous allons peut-être parler ce soir. Dans les années 2000, il se rachète une conduite dans son pays en signant des films plus sages comme Souffle en 2007 ou Dream en 2008, qui paradoxalement sont moins remarqués par chez nous. Kim Ki-duk disparaît alors pendant plus de 2 ans avant de revenir avec un autoportrait documentaire, Arirang en 2011, qui précède une fin de carrière avec ses films les plus extrêmes, notamment Pieta en 2012 qui obtiendra le Lion d'Or des mains de Michael Mann et Möbius en 2013, puis d'autres films qui ne sont pas sortis chez nous malheureusement. Après des affaires de mœurs, il fuit la Corée du Sud et meurt en 2020 à Riga en Lettonie. Alors, aujourd'hui en fait, tout le monde, à peu près tout le monde, tous les gens de goût et notamment à Transmission, on est à peu près d'accord pour dire que le cinéma sud-coréen est un des plus intéressants du monde actuellement depuis en gros 20 ans. Mais pour remettre L'Île dans son contexte de sortie, à l'époque on voit que très peu de films coréens en France ou en Belgique, mis à part l'exception qui confirme la règle des films de Im Kwon-taek. Et encore, à cette époque, ils sortent au compte-goutte. À cette époque, Im Kwon-taek, il aligne déjà quasiment 100 films au compteur et on est très loin d'avoir vu tous ces films. Mais ce qui est intéressant avec la sortie de L'Île, comme tu le disais, ça va être un des premiers représentants de cette nouvelle vague coréenne, c'est qu'au final, comme tu l'as dit, Kim Ki-duk, il va avoir une place très particulière au sein de ce système-là. Là, en 2-3 ans, on va voir 4-5 films de Kinky Duke qui vont sortir un peu dans le désordre parce que c'est un cinéaste très prolifique et qui s'arrête presque jamais de tourner. Il sort un film par an, voire deux films parfois. Et le fait de découvrir, en fait, tous ces films dans le désordre et de manière extrêmement ramassée dans le temps, ça va effectivement tout de suite l'identifier sur la scène internationale. Ça va l'identifier en tant qu'auteur, mais ça va aussi pouvoir avoir pour effet négatif aussi d'invisibiliser une partie de son œuvre au vu du nombre de films qui vont se succéder au fil des années et qui vont parfois montrer aussi leurs limites. Donc, ce qui explique peut-être pourquoi aussi Kim Ki-duk a été aussi un cinéaste qui progressivement a été un peu oublié d'une partie des cinéphiles par cette forme de répétition et quelquefois aussi par l'inconséquence tout simplement de certaines de ses réalisations. C'est vrai que ce qui est bizarre en fait, c'est que lui fait un cinéma qui est totalement différent des grands noms des réalisateurs coréens qui sont encore actifs aujourd'hui. Je parle de Park Chan-wook, Bong Joon-ho, Lee Chang-dong, Kim Ji-woon. Souvent, ils ont des réalisations, des scénarios qui sont très très élaborés et une maestria technique dans les films de ces réalisateurs. Lee Chang-dong, pas toujours. Lee Chang-dong, moins. C'est vrai que c'est autre chose, mais enfin, c'est un peu différent, mais quand même, Kim Ki-duk, il est vrai, enfin, c'est vraiment un ovni, quoi. C'est un ovni, et ce qui est aussi intéressant, c'est que ça va être un des premiers films qui va le faire reconnaître sur la scène internationale, et qui est un film aussi qui a une place très particulière au sein de sa filmo, parce que c'est un des films qui va se rapprocher le plus du cinéma de genre, parce que contrairement à beaucoup de cinéastes coréens qu'on va avoir débarqué à la même époque, comme Park Chan-wook en 2003 avec Sympathy for Mr. Vengeance, ou en 2004 All Boy qui était en compétition à Cannes, et la même année Memory of Murder de Bong Joon-ho, ces cinéastes-là vont avoir une approche beaucoup plus commerciale, et je dis ça sans aucun jugement esthétique ou même de valeur sur le sujet. Le cinéma de Kim Ki-duk, lui, se place plus directement et plus clairement dans un cinéma d'art et essai, peut-être qu'on peut l'entendre ou le définir en France. Là, l'île, justement sur ces deux tableaux, parce que il y a cette dimension de genre qui est extrêmement prégnante dans l'île et qu'on va plus forcément retrouver dans la suite de la filmo de Kim Ki-duk. D'ailleurs, c'est peut-être le bon moment pour rappeler un peu le pitch du film. C'est assez simple. C'est l'histoire d'une femme qui tient une espèce d'hôtel où il y a des pêcheurs qui viennent. Et en fait, cet hôtel est assez particulier puisqu'il se trouve sur un lac et les bungalows sont posé sur ce lac et espacé. Et donc, cette jeune femme conduit les clients de l'hôtel à leur bungalow et leur apporte de la nourriture. Et on apprend aussi très vite dans le film que occasionnellement, elle se prostitue. Et un jour, arrive dans cet hôtel un homme qui n'a pas l'air très très intéressé par la pêche et qui semble avoir un lourd passé, qui va progressivement intéresser davantage cette jeune femme qui est un peu le rôle central du film. Et qui, je ne l'ai pas dit, on ne sait pas si elle est muette, mais en tout cas, elle ne prononcera aucune ligne de dialogue. Elle émettra un son à un moment. Et assez vite, l'histoire va devenir une espèce d'histoire de domination, d'attraction, domination... De passion. Passion entre ces deux personnages. Pour le présenter, je dirais qu'il se rapproche assez fort d'un film comme La femme des sables de Hiroshi Teshigahara. C'est un peu la même thématique. Pour citer un film assez connu. Voilà, peut-être qu'on va commencer plus spécifiquement sur ce film. Messieurs, la voix est à vous. Ben, ce qui est déjà intéressant, c'est comme tu en parles dans le pitch que tu viens de faire du film, la grande force de l'île, c'est déjà son décor. C'est un décor qui incite déjà, par sa simple topographie, ses maisons flottantes sur ce lac embrumé, à une atmosphère fantastique, presque mythologique, j'ai envie de dire, où on a des personnages qu'on sent en prise avec quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux, qui les dépasse, qui au-delà même des pulsions qui vont dominer les personnages et que Kim Ki-duk, à mon sens, met très brillamment en scène, au-delà de tout l'aspect symbolique que brasse le film tout du long, c'est beaucoup plus une dimension mythologique, plus que psychanalytique, qui fait de l'île un film qui est encore perdu aujourd'hui. Ouais, c'est, alors, en quelques mots, t'as déjà soulevé énormément de choses intéressantes. C'est en effet un film qui est extrêmement symbolique, qui est presque surréaliste à certains moments, en tout cas en décalage complet avec une quelconque forme de réalisme. Sauf que le film est, alors j'utilise un grand mot qui est peut-être pas bienvenu, mais est politique dans sa façon d'aborder les affects, le désir, les comportements de manière générale viennent brouiller les fonctionnements. Des fonctionnements tels que le commerce, les règles, les lois, etc. Mais avant de rentrer là-dedans, peut-être ce qui est intéressant, c'est que rentrer dans les films de Kim Ki-duk, c'est vraiment rentrer dans un monde à part, dans un monde en soi, à la fois totalement ancré dans la réalité, dans le sens dont je viens de parler, mais totalement privé de réalisme. Si je devais formuler ça comme ça, c'est comme ça que je le dirais. Et je trouve que cet éclatement entre ces deux choses-là donne lieu à une poésie assez étrange, assez macabre et magnifique. Voilà. Enfin, moi, je trouve pas que le film soit si surréaliste ou improbable que ça. Je trouve que là où il est ancré dans la réalité, c'est que les personnages, et c'est particulièrement prégnant dans l'île, mais en gros, sont réduits à des fonctions presque animales. Et d'ailleurs, la présence des animaux dans le film L'île est très très forte. Il y a énormément d'animaux, il y a énormément d'animaux qui souffrent aussi. Il faut peut-être prévenir les spectateurs qui n'ont pas vu le film. Le film a fait couler de l'encre quand il est sorti à propos de deux scènes d'automutilation assez croquignolesques et aussi par une violence perpétuée à l'égard des animaux dans pas mal de scènes du film. C'est quelque chose qui est une récurrence quand même du cinéma coréen dans son ensemble, hein, je veux dire qu'on... Ouais, mais qu'il y a un truc plus singulier ici, je trouve, parce qu'à un moment, ça devient un jeu. Enfin, je l'ai interprété comme ça. Enfin, en tout cas, ce truc de... Le fait que le film soit privé de discours, je veux dire, moral sur ces choses-là, bah, ça en devient fascinant et le sadisme du film, ou en tout cas des personnages, disons, semble amener à découvrir l'univers qu'il propose, comme des enfants qui découvriraient un jeu. Je sais pas si je me fais comprendre en disant ça, mais il y a un truc... En fait, le fait que ça n'en soit jamais une question rend cette violence, ce sadisme assez fascinant, je trouve. Je pense aussi, moi, j'ai pas la même problématique en fait que je peux avoir par rapport à certaines productions italiennes des années 70 où pour le coup on butait sous prétexte racoleur des animaux. Là, effectivement, t'en parles assez bien, je pense, Lucien, parce que il y a quelque chose que développe Kim Ki-duk tout du long, c'est quasiment l'aspect presque à l'état quelquefois enfantin de ces personnages-là. Ouais, ouais, carrément. Et pour moi, effectivement, ce traitement des animaux, il participe de ce rapport que tu peux avoir. C'est comme un gosse qui arrache les ailes des mouches. Voilà, tout à fait, c'est tout à fait ça, et c'est quelque chose que j'accepte en fait, qui fait vraiment partie de manière harmonieuse du cadre du récit en fait. Mais en fait, je pense que le cadre du récit dont tu parles est en permanence lié à une forme d'organicité. Et en fait, le parallélisme permanent qu'il y a dans le film entre sexe, pêche et excréments et la mort, on va dire, qui est à la fois à certains moments très drôle. Mais voilà, et la manière dont à travers ça il fait du désir de ses personnages, de leur rapport au fonctionnement marchand, etc., il en fait deux mamelles du monde qu'il filme, je veux dire, mais il fait ça toujours, alors que ce sont des choses, ça revient un peu sur ce que je disais entre, je veux dire, irréalité et réalisme. Enfin, il fait ça toujours à travers une version, je trouve pas d'autre mot, mais vraiment une vision extrêmement organique. Et en fait, on en parlera plus tard, je pense, mais je pense que le dernier plan semble nous dire ça, en fait. C'est de là qu'on vient, c'est de là qu'on retournera. Il y a un truc très parlant là-dessus. T'as cité le mot organique. Je reviens sur ce que je voulais développer tout à l'heure, avant que je me perde un peu. Dans les films de Kim Ki-duk, et particulièrement dans celui-là, les personnages sont presque animaux, dans le sens où ils sont super liés à des fonctions primales, c'est-à-dire manger, dormir, déféquer, faire pipi, faire l'amour. L'ensemble des actions excède rarement ces quelques fonctions premières, quoi. Comme les enfants. Un peu comme les enfants, et c'est vrai que quand tu disais que... à l'exception du sexe. C'est vrai que quand tu disais que tu voyais la violence à l'égard des animaux sous ce prisme-là, je trouve que c'est aussi extrêmement intéressant. Et on peut venir maintenant peut-être sur le personnage principal, le personnage de cette femme, qui est... C'est un tour de force du film, c'est qu'elle est à la fois menaçante, sexy, enfantine, tour à tour aussi touchante. Elle est un peu... Et toujours extrêmement animale. Elle est un peu tout à la fois, toujours extrêmement animale. Et totalement énigmatique du début à la fin, quoi. Elle reste énigmatique, en fait. Et ce qui, pour moi, est une des forces du pouvoir de fascination qu'entretient le film, et notamment vis-à-vis de son personnage principal, qui paraît plus grand que nature, en fait. Et qui est défini par des choses... Excuse-moi, Lucien. Non, qui est défini par des choses dans la mise en scène de Kim Ki-duk. Sur ce personnage-là, il est vraiment très fort, parce qu'il a très peu d'attributs, en fait. Donc, c'est soit ses cheveux qu'il va attacher, détacher, soit son regard qui va... Et on le voit dans le making-of du film, qui va faire une retouche make-up lui-même. Donc, il va travailler le regard et le maquillage vraiment en fonction des plans et de l'intention qu'il veut lui donner à ce moment-là. C'est sur comment est-ce qu'elle va se balancer, le rythme de son balancement, il y a une balançoire dans le décor. Il y a juste des fois là, ce qui est le ce qui sert de titre au film, ce moment où il la filme dans la barque endormie, où on sort quasiment de ce personnage un peu du quotidien pour embrasser quelque chose de beaucoup plus grand, en fait. Ce qui ajoute à l'organicité du film, du récit et du personnage. Et pour revenir justement à ce moment de la barque, c'est au tout début du film, dans les premières secondes. Donc elle vend des appâts à un des pêcheurs qui est sur un bungalow. Et puis elle s'en va sur sa barque et le pêcheur la mate, en gros. Et juste à ce moment-là, il va se piquer le doigt avec l'hameçon. Et juste après, donc, il y aura ce plan sur la barque avec cette jeune femme endormie. Et en fait, ce plan... Cette action que je viens de décrire, elle est bien sûr hyper annonciatrice de tout le film qui va en découdre, et de manière extrêmement frontale, extrêmement simple. Il y a dans le cinéma de Kim Ki-duk, je trouve, et c'est là où je le différencierais de celui de Lee Chang-dong, qui va faire des études de caractère psychologique extrêmement fouillées, extrêmement complexes, etc. Kim Ki-duk, cinéma... il va jusqu'à l'os, il va aller pur en fait de ces personnages-là. Il est moins dans ce même travail-là. Bah, il n'est pas du tout dans un travail de composition psychologique. Il est vraiment extrêmement direct. C'est un cinéma de la ligne claire. C'est un cinéma extrêmement clair, je trouve. Extrêmement limpide, comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord là. Je comprends tout ce que tu dis. Et je suis d'accord d'une certaine manière. Mais en fait, ça, ce truc de ligne claire, comme tu dis, de vouloir épurer, d'aller à l'os en épurant, mais en même temps de se charger d'imageries qui sont extrêmement porteuses, qu'il y a trop de niveaux de lecture possibles à un moment. Enfin, les niveaux de lecture pullulent quand le rapport à l'eau, l'animalité de l'humain, le mysticisme, Eros et Thanatos, le lieu en tant que tel, jusqu'à l'imagerie de la sirène pour déconstruire le mythe, et qui est d'ailleurs en ce sens enfin, un truc assez, assez contemporain. Mais bref, tout ça fait en sorte que je ne peux pas m'arrêter à ce que tu appelles la ligne claire, à l'épure du film. Tout ça fait que je ne sais pas m'arrêter à ce qui m'est donné en surface et me rend le film moins limpide que ce que tu veux bien le dire, Oli. Je comprends. Moi, je reste à un niveau de lecture vraiment sur les personnages et sur cette histoire de passion et d'emprise entre ces personnages, de prison, en fait. D'ailleurs, le mec va se retrouver dans une prison à la fin. Il y a un truc qui est très beau. Tu parlais du décor au début, Manu, qui est bien sûr le truc qui frappe immédiatement quand tu vois l'île, et le truc dont tu te rappelles même 10 ans après. C'est le décor, bien sûr. Et il y a un truc qui m'a frappé cette fois-ci, c'est que ce décor est plat. C'est-à-dire que le personnage principal, depuis là où elle habite, sur Terre, elle a une vision sur tous les bungalows. C'est un truc panoptique, quoi, de panoptique, ouais. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, le seul moment où une espèce d'échappée entre les deux personnages principaux, ils vont aller dans des hautes herbes pour se cacher des autres et de ce regard qui est omniprésent et où tout le monde voit tout le temps. Et je trouve que c'est un setup qui est formidable et qui marche super bien dans la deuxième partie du film où justement il y a cette question d'emprise, d'emprisonnement, de prison, du fait que finalement notre héros masculin ne va pas réussir à s'extirper de cette situation, quoi. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Et puis d'un point de vue purement plastique, ça rejoint un peu ce que tu disais sur l'épure. C'est-à-dire que c'est à certains moments, il filme vraiment cette eau comme une toile vierge avec des petites touches mouvantes à droite à gauche, et ça marche. Enfin, d'un pur point de vue plastique, ça marche très bien. Et cette idée, Oli parlait de ligne claire, tu semblais être en désaccord avec ça, Lucien. Je pense que c'est aussi ce qui permet à Kim Ki-duk d'éviter de sombrer dans une symbolique un petit peu tarte à la crème, parce qu'on a parlé d'Eros, de Thanatos, on a brassé toute cette symbolique-là. Là, le film, pour moi, dépasse tout ça, parce que justement, le fait de ne pas travailler sur un aspect psychologique des personnages, de rester dans une ligne claire, lui permet justement d'éviter tous ces écueils et de présenter son film sous la forme d'une fable, d'un conte, en fait. Je pense qu'il y a notamment une scène qui est loin d'être anodine, qui est ce moment où on comprend qu'au-delà de tout ce qui pousse les personnages à agir, il y a vraiment quelque chose qui se place au-dessus d'eux. Il y a une certaine en fait idée de fatalisme. C'est ce regard qu'à un moment le personnage d'Ejin, la tenancière de tous ces bungalows, un regard qui reporte à l'arrière de sa maison, on va voir une moto qui est encore en train de couler. Et cette moto-là, elle n'a pas d'appartenance, elle n'a pas de propriétaire. Mais en revanche, par la suite, il va arriver quelque chose à d'autres visiteurs qui va faire écho à cette scène-là et qui donne une toute autre dimension au film. Et donc, il y a encore une fois cette présence du décor, du cadre, du récit sur les personnages. Mais ouais. Cette moto, tu peux te raconter beaucoup de choses avec cette moto, parce que le plan donc, de Ejin qui regarde cette moto, elle est en train de pleurer à ce moment-là. J'ai une certaine lecture de à qui appartenait cette moto, d'autant plus qu'ensuite elle va aller fouiller dans ses affaires et ressortir des vêtements masculins qu'elle va donner à son nouvel amant. Mais justement, ouais. Le film joue autour de l'ellipse. On parlait plutôt des moments très graphiques ou gore du film. En réalité, ils sont pour la plupart du temps traités hors champ. Il y a vraiment un sens de l'ellipse chez Kim Ki-duk qui lui permet de travailler la dramaturgie de son film et justement de le rendre beaucoup moins limpide, plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord, en fait. Mais ouais, en fait, ça, c'est marrant parce qu'on a, je pense qu'on a un peu tous le même propos sous des axes différents. Mais ce que tu disais, Manu, en parlant de fable, c'est très vrai, c'est très parlant. Et c'est, sauf qu'à certains moments, je trouve qu'à travers cette fable, il va vraiment se plonger dans toute la symbolique qu'on a pu évoquer. Et à plusieurs moments, il le fait. Donc dire simplement qu'il n'en tient pas compte, ben, moi, je crois quand même qu'il y a pensé et qu'il y a même sacrément pensé. Après, qu'il ne le traite pas jusqu'au bout, ça, c'est une évidence. Enfin, en tout cas, moi, j'arrive pas à l'interpréter jusqu'au bout, mais ça fait partie du film quand même. Ça fait partie du film, et pour moi, jusqu'à la dernière séquence, c'est pas quelque chose qui me pose problème, en fait. J'ai pour le coup beaucoup plus de réserves sur la conclusion même du film, qui me paraît justement, à l'inverse, assez lourde de sens, assez lourde dans sa symbolique, et qui pourtant te semble beaucoup plus te séduire sur cette idée d'origine du monde, mais qui me paraît très terre à terre, sans réelle ambiguïté. Et je trouvais beaucoup plus intéressant la manière impressionniste dont il travaillait le récit auparavant que la manière dont il conclut en fait son film. Bah oui, enfin, cette fin, je l'interprète comme une preuve de ce que je dis, entre guillemets. Après, c'est pas qu'elle me plaise particulièrement ou pas, en fait je me pose pas tellement la question en voyant le film, c'est simplement qu'elle assoit l'idée que je me suis fait du film, enfin, que je me faisais déjà du film avant de voir cette scène-là. Ouais, mais pour le coup, elle est vraiment extrêmement littérale. Oui, bien en sûr. En plus, elle est décorrélée de tout le film. Elle apparaît vraiment comme une respiration supplémentaire et qui à mon sens, n'apporte pas grand-chose. Elle est décorrélée du côté dramaturgique, mais pas du côté symbolique du film, qui est là quand même depuis le début. Mais après, ça va carrément de pair avec le côté fablesque du film. Moi, à ce moment-là, elle me choque pas là-dessus. Elle me choque pas sur le ton du film, elle me choque pas dans la symbolique du film. C'est vrai qu'elle est un peu décorrélée quant au personnage, quant à la narration pure, entre guillemets, quant à la ligne claire dont vous parlez depuis le début. Alors, juste un truc, je voudrais bien éclaircir les idées de nos auditeurs, donc c'est-à-dire qu'à la fin, le film va se conclure une première fois, puis il va y avoir deux plans, trois plans très décorrélés du récit qui, en effet, vont suggérer une lecture beaucoup plus symbolique du film. Je ne sais pas si on doit décrire ces plans, je ne pense pas, mais... Ben, moi, il me pose problème aussi, en fait, ces trois plans. Peut-être que c'est un peu la même chose que Manu, je pense, mais pour moi, j'ai ce personnage extrêmement mystérieux, extrêmement bien travaillé de cette tenancière de ce lieu étrange. Et à la fin, juste avant que ces trois plans n'arrivent, il me semble avoir eu un portrait assez... une lecture de ce personnage qui, quelque part, me satisfait, avec laquelle je peux vivre. Et puis, dans les trois plans, en effet, les deux ou trois plans qui sont cette espèce d'épilogue, ça va, en effet, élever le film à un niveau de lecture autre, en fait, qui va me brouiller des pistes et qui va peut-être, du coup, jeter une ombre peut-être un peu misogyne, dans le sens où je trouve que le personnage féminin ne sort absolument pas grandi de ces trois plans-là. C'est juste, je sais pas si c'est misogyne en tout cas, mais c'est juste qu'il vide le personnage principal de sa substance, en fait. Très littéralement, en fait. Ce personnage ne devient plus qu'un réceptacle au sens propre, comme au sens figuré, par rapport au personnage masculin. Et en plus, moi, il y a un problème même de rythme. C'est pas une scène post-générique, mais ça pourrait presque l'être. Il y a vraiment au-delà même de la symbolique, il y a un problème de rythme dans la manière dont arrive cette séquence-là. Pour moi, le film, c'est déjà terminé. En fait, c'est une fin qui arrive trop tard et qui, en plus, me dit quelque chose de manière un peu moins subtile que ce que me l'a dit le film tout du long, en fait. Et de manière quelquefois même un peu contradictoire dans cette fin-là. Ben oui, moi je trouve que c'est contradictoire et que ça jette une ombre beaucoup plus forte sur le personnage féminin que ce que j'avais pu lire avant, quoi. Mais après, alors vous dites des choses intéressantes. Maintenant, je pense en effet que c'est beaucoup plus lourd que tout ce qui existe dans le film au préalable. Mais je suis quand même étonné de vous entendre dire que c'est à ce moment-là que cet aspect du film vous marque, alors que, enfin, moi, il me marque dès les premiers plans. Mais Lucien, le fait, c'est que le film travaille tout du long des ruptures de ton. Ouais. Et donc, en fait, quand tu finis ton film sur quelque chose que tu assènes tout d'un coup, de manière totalement décorrélée du reste du film, ça me pose problème. Après, j'ai pas ce problème le long du film, parce que justement, il joue de ce jeu de contraste permanent, cette fixité c'est du plus décor, discret. Cette fixité du décor des deux premiers plans qui contraste avec ce plan à l'épaule de l'arrivée du personnage auprès de la cahute de Heijin. Voilà, c'est toute cette rupture de ton qui m'intéresse dans le film. Oui, oui. Tout ce côté, cette dialectique qu'il installe et qui rend jamais le film complètement lisible. Toi, tu y vois un défaut. Moi, c'est en fait une qualité du film. C'est quelque chose qui m'intéresse, justement, cette manière dont constamment il trouble ton regard, il détache les choses, etc. Je suis parfaitement d'accord pour dire que pendant tout le long du film, avant ces trois derniers plans, toute cette lecture-là, toutes ces lectures-là, j'aurais même tendance à dire, sont beaucoup plus discrètes. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que depuis tout à l'heure, on dit contradiction, contraire, contraste. Oui, en fait, c'est vraiment un film de contraire permanent. Et ça, c'est très juste de le dire. En fait, il y a vraiment un sentiment où à chaque fois que quelque chose est beau, mais c'est aussi horrible. À chaque fois que quelque chose est glauque, c'est aussi très drôle. Trivial. L'amour ne va jamais vraiment sans la mort. Les lignes de pêche sont à double sens. Elles pêchent autant des poissons que des êtres humains. Ça rajoute ce côté à l'animalité des personnages. Enfin, tout ça, il y a vraiment un truc en double sens permanent, en contradiction permanente, en contraire permanent, qui est réjouissant et surtout qui est stimulant. Tout le long du film. Vous avez travaillé aussi dans la mise en scène des ébats sexuels du film qui sont nombreux, puisque il y a tout un jeu sur les moments où elle est dominée ou elle est dominante et qui est extrêmement lisible aussi et au niveau purement des positions des comédiens, puisque la seule fois où elle va décider de faire l'amour et jeter le dévolu sur le personnage masculin principal, c'est elle qui est au-dessus, alors que à tous les autres moments, elle se retrouve en dessous. Ouais, et puis il faut dire que sur un film d'une heure trente, que pour un film d'une heure trente, vous n'aurez jamais vu autant de gens déféquer. C'est vrai. D'ailleurs, plan depuis le point de vue de la cuvette des toilettes, quoi. Ouais. Très bien, messieurs. Eh bien, je vous propose que nous arrêtions ici sur L'Île, le film de Kim Ki-duk. C'était un peu notre hommage à ce réalisateur singulier qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Voilà, merci Lucien. Merci, je suis très content qu'on termine cette émission sur ces mots. Merci Manuel. Merci Olivier. À très bientôt, chers auditeurs, chères auditrices. Et n'oubliez pas notre chaîne YouTube, Facebook, PodCloud, transmissionlepodcast.com. Venez nous laisser des commentaires. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.